fais selon ta parole. Rien n'a été ajouté ni retranché. Quand l'obéissance va jusqu'au bout, la gloire peut enfin se poser. La fidélité ouvre la porte à la manifestation. Quand tout est accompli selon ta voix, ta gloire trouve sa place. Car tu ne remplis pas ce qui est à moitié, mais ce qui se livre entièrement à ta grâce. Quand tout est accompli selon ta voix, l'attente devient révélation.